L'évolution-catastrophisme, et évolution la théorie de l'évolution, remonte à l'époque de la Grèce classique, un de ses initiateurs fut Anaximandre. De temps à autre, des philosophes ont proposé une explication, évolutionniste pour l'origine des multiples formes de vie, en opposition à la théorie qui suppose la permanence de ces formes depuis la création. Lamarck pensait que les caractères acquis, étaient transmissibles héréditairement, et pouvaient ainsi amener l'apparition de formes nouvelles. En 1840, date à laquelle fut publiée la théorie de l'âge glaciaire d'Agassiz, un ouvrage anonyme, Vestige of Creation, écrit par Robert Chambet, souleva une agitation qui subsista pendant des années. Tous les scientifiques britanniques lui reprochèrent amèrement de prétendre que les êtres humains sont des enfants de singes et des producteurs de monstres, selon l'expression d'un de ses critiques, Adam Sedgwick, président de la Geological Society. Darwin devait admettre un jour que le plus fort des attaques dirigées contre sa propre théorie avait d'abord été amorti par Vestige of Creation. La nouveauté de l'enseignement darwinien ne consistait pas dans le principe d'évolution en général, mais plutôt dans l'explication de son mécanisme par la sélection naturelle. Darwin appliquait à la biologie la doctrine de Malthus sur l'augmentation de la population, supérieure à celle des moyens d'existence. Il reconnut ce qu'il devait à Malthus, dont il lut le livre en 1838. Herbert Spencer et Alfred R. Wallace, chacun de leur côté, arrivèrent aux mêmes conclusions que Darwin, et l'expression persistance du plus apté de Spencer. Darwin rédigea sa théorie en s'opposant au catastrophisme, et en souscrivant totalement à la théorie de Liel sur l'uniformité dans la nature inanimée. Il se doutait bien qu'on répondrait à ses attaques, sans quoi il ne les aurait guère appuyées de tant d'arguments. La masse des critiques dirigées contre lui provenait des milieux ecclésiastiques, incapables d'admettre que l'homme eut pour origine des êtres inférieurs. L'Église s'en tenait au dogme de la création du monde en 6 jours, il y a moins de 6000 ans, et du péché originel d'Adam, pour le rachat duquel le Fils de l'homme était venu sur la terre. Elle considérait également que les bêtes n'ont point d'âme, par conséquent, qu'il existe une barrière entre l'homme et l'animal. Le point d'orgue de cette longue controverse portait sur la question de savoir si, oui ou non, il y avait évolution. De plus en plus, les scientifiques se décidaient pour l'affirmative, et les esprits religieux persistaient à croire qu'il n'y avait pas eu de changement depuis la création du monde. En fait, la question se débattait entre les conservateurs et les libéraux en matière de science. Les catastrophistes se tenaient à l'écart, le catastrophisme s'éteignait avec la génération des fondateurs et des classiques de la géologie. Cuvier mourut en 1832. En Angleterre, des géologues comme Buckland, d'Oxford, et Sedgwick, de Cambridge, fixés dans leur croyance en la tradition mosaïque, attribuaient au déluge les vestiges qu'on rencontrait partout. Mais, de cette catastrophe, ils n'en pouvaient point trouver de cause physique satisfaisante, et les avis autorisés montraient qu'évidemment tous les nuages entourant la planète, se vidant simultanément, ne l'auraient pas recouverte d'un seul pied d'eau. La géologie révéla alors qu'il n'y avait pas eu un déluge unique, mais plusieurs déluges. Liel écrit dans sa correspondance, Conebear, géologue et évêque de Bristois, admet 3 déluges avant celui de Noé, et Buckland y ajoute je ne sais combien d'autres catastrophes, aussi est-ce à bon droit que nous les avons supprimées de la tradition mosaïquée. Sedgwick, selon Liel, se décida pour 4 déluges au moins. Dans son dernier discours comme président de la Société de Géologie, Sedgwick reconnut que ses opinions religieuses l'avaient fait répandre une hérésie philosophique, j'estime devoir, comme un des derniers actes qui m'incombe avant de quitter mon poste, prononcer ma rétractation publique. Nous aurions dû, réellement, réfléchir avant d'adopter la théorie du déluge, et d'attribuer tout notre ancien gravier superficiel à faction du déluge mosaïque. Quant à Fromm et au travail de ses mains, nous n'en avons pas encore trouvé la moindre trace parmi les restes d'un monde antérieur, qui sont ensevelis dans ses dépôts. Dès 1832, Sir Henry T. de la Bosch, dans son Geological Manual, page 173, affirma la coexistence de l'homme avec des animaux maintenant disparus, parce que des cavernes fermées par des fragments de rocs transportés d'une certaine distance, contiennent des restes humains et d'animaux maintenant disparus, il existait avant la catastrophe qui le détruisit en même temps. Qu'étaient donc devenus les restes de la population coupable? Cuvier affirmait qu'on n'avait jamais trouvé de restes humains avec ceux d'espèces animales disparues. Liel déclarait également dans la première édition de ses principes que l'homme avait été créé seulement après leur totale extinction. Ce ne fut qu'en 1858, un an avant la publication par Darwin de l'origine des espèces, que les trouvailles faites dans la grotte de Brixham vinrent ébranler cette croyance dans la non-coexistence de l'homme et des animaux disparus, ou antédiluviens. L'année suivante, les autorités géologiques anglaises furent enfin convaincues par J. Boucher de Perthes, notaire à Abbeville, qui n'avait prêché qu'à des sourds pendant 20 ans, qu'on rencontre dans la même formation, côte à côte, des objets fabriqués par l'homme, s'il extravaillait, et des os d'animaux éteints. La révélation ouvrit les portes à la thèse de Darwin. Mais déjà, les doutes nourris par les catastrophistes qui ne comprenaient pas pourquoi on relevait les signes de plus d'un déluge, ni pour quelle raison il n'existerait pas d'os humain laissé par toute la population coupable exterminée par le déluge, avaient fait abandonner le catastrophisme, qui en outre semblait être en contradiction avec la tradition mosaïque. Il se trouva donc que rien, dans toute la controverse pour et contre le darwinisme, ne répondait à la position de Darwin. Il avait essayé de montrer que ce qui semblait le résultat de catastrophes globales pouvait être le produit de changements lents, répétés par le temps et sans aucune intervention de la violence. L'opposition, défendant la création divine et subite de l'univers, concentrait ses attaques sur l'idée d'évolution, affirmant que tous les animaux avaient toujours eu la forme sous laquelle nous les voyons aujourd'hui. Les anti-évolutionnistes choisissaient pour mener leur bataille un terrain géologiquement absurde. Pourquoi donc Darwin s'opposa-t-il à l'idée de grandes catastrophes dans le passé, idée contraire aux observations que lui-même avait faites pendant ses voyages, et pourquoi souscrivait-il à l'uniformité de tous les événements géologiques dans le passé comme dans le présent? C'est que seule une durée immense pouvait avoir permis aux espèces d'évoluer par voie d'incessante compétition et de lutte pour l'existence, depuis les formes les plus simples jusqu'à l'homo sapiens et autres organismes supérieurs. Or, le catastrophisme raccourcissait considérablement l'histoire de la Terre. Si le déluge avait eu lieu il y a moins de 5000 ans, alors, selon la Genèse, la création aurait eu lieu il y a moins de 6000 ans. Ainsi, ayant besoin de la durée presque illimitée pour son processus évolutionniste, Darwin accepta la thèse de Liel, mais, tandis que Liel essayait d'établir que les agents ordinaires, les rivières charriant des sédiments par exemple, se comportaient avec une certaine vitesse, Darwin préférait insister sur leur lenteur. Il écrit, « Il faut par conséquent examiner soi-même le grand entassement des couches superposées, regarder les ruisseaux qui transportent les vases et les vagues qui rongent les falaises, si l'on veut avoir quelque conception de la durée des temps passés. Or, les vagues de la mer rongent un rocher miette par miette, et tout changement visible prend bien des milliers d'années. Rien ne peut mieux nous faire concevoir ce qu'est l'immense durée du temps, selon les idées que nous nous faisons de lui, que la vue des résultats considérables produits par des agents atmosphériques, qui nous paraissent avoir si peu de puissance et agir si lentement. » Darwin alla même jusqu'à déclarer que celui qui peut lire l'ouvrage monumental de Sir Charles Lyell, Principles of Geology, et cependant ne veut pas reconnaître la prodigieuse durée des périodes écoulées, peut fermer tout de suite le présent volume L'origine des espèces. Le passé géologique et les formes de vie changeantes, à l'appui de sa thèse sur le rôle de la sélection naturelle dans l'origine des espèces, Darwin invoquait 1. Les variations chez les animaux domestiques, notamment lorsque l'éleveur cherche à développer en eux un trait désirable. 2. La ressemblance anatomique de nombreuses espèces apparentées entre elles. 3. Le passé géologique. Remarquons toutefois que, si les éleveurs ont créé des races nouvelles ou des variations, ils n'ont jamais créé de l'espèce nouvelle. Dans l'anatomie des êtres vivants, le caractère distinctif des formes spécifiques, et le fait qu'elles ne sont pas mélangées les unes aux autres par d'innombrables chez non intermédiaires constitue une difficulté des plus évidentes, Darwin. C'était donc au passé géologique qu'il appartenait de fournir toutes les preuves nécessaires. Le témoignage géologique dévoile les formes de vie changeant presque instantanément dans le monde entier, mots qui servent de titre à une section de l'origine des espèces. Darwin écrit, « Peu de découvertes paléontologiques sont plus frappantes que le changement presque simultané des formes de vie dans le monde entier. On s'en étonne, car, selon sa théorie, le processus de modification doit être lent et n'affecte généralement que quelques espèces en même temps. En effet, la variabilité de chaque espèce est indépendante de celle de toutes les autres. Ne s'est-il pas produit dans les circonstances physiques un changement qui a pu modifier les formes de vie en même temps et dans le monde entier? Darwin répond, non. Il est réellement tout à fait inutile de chercher dans des changements de courant, de climat ou d'autres circonstances physiques, les causes de ces grandes mutations dans les formes de vie, dans le monde entier et sous les climats les plus différents. Si le climat ou d'autres circonstances physiques ont changé en une partie du globe, en quoi cela a-t-il pu affecter des formes de vie en d'autres parties? Darwin n'envisagea même pas qu'un changement des circonstances physiques pouvait s'être produit simultanément et partout à la fois. Dans ces conditions, quelle solution allait-il avancer pour le problème qu'il s'était posé? En ce qui concerne les fossiles, on constate de longs intervalles vides. Je suppose que, durant ces longs vides, les habitants de chaque région furent soumis à des modifications et à des extinctions considérables. En conséquence, le parallélisme des changements survenus dans la faune et la flore sur des strates semblables à travers le monde n'est pas un vrai parallélisme chronologique. Et ordre n'apparaîtrait pas véritablement comme strictement parallèle. Darwin constata ensuite l'absence de nombreuses variétés intermédiaires dans toute stratification isolée. Si nous portons notre attention sur une formation quelconque, nous trouvons bien plus difficile de comprendre pourquoi nous n'y rencontrons pas des variétés très voisines les unes des autres entre les espèces apparentées entre elles, qu'il y avait au début de cette formation et à sa fin. Il répond en conjecturant que, « Quoique chaque formation puisse avoir été d'une très longue durée, elles sont probablement toutes très brèves, comparées au temps qu'il fallut pour transformer une espèce en une autre. Une autre section de l'origine des espèces parle de la soudaine apparition de groupes entiers d'espèces apparentées, démontrée par le témoignage géologique. De la façon brusque avec laquelle des groupes entiers d'espèces apparaissent subitement dans certaines formations, a été interprétée par plusieurs paléontologistes, Agas Fichte, Sedgwick par exemple, comme une objection décisive à l'idée de mutation des espèces. Si beaucoup de celles-ci, qui appartiennent au même genre ou aux mêmes familles, ont réellement commencé à vivre toutes d'un seul coup, ce fait sera fatal à la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. En effet, le développement d'un groupe de formes, ayant tout un ancêtre unique et commun, n'a pu être qu'un processus extrêmement lent, et les ancêtres n'ont pu vivre que longtemps avant leur progéniture modifiée. Darwin justifia aussi cette observation par le fait, même que les couches géologiques, contenant des lacunes et ne fournissant donc pas un témoignage complet, laisse croire parfois qu'on se trouve en présence de changements soudains. Le processus géologique de l'extinction des espèces est examiné sous le titre de F-extinction. Darwin écrit, c'est, extinction des espèces a été enveloppée d'un mystère inexplicable. Ce qui s'est produit, ce fut une extermination soudaine de familles ou d'ordres entiers. Selon sa théorie, l'extinction d'un groupe d'espèces entiers est généralement un processus plus long que leur création. Pourtant, certains groupes furent exterminés avec une soudaineté extraordinaire. En cela, et une fois de plus, Darwin pensait que l'imperfection du témoignage géologique avait pu, dans certains cas, laisser croire à la soudaineté de l'extinction, mais, ailleurs, il a reconnu qu'il ne savait comment expliquer la spontanéité de l'extinction de certaines espèces. Il se demandait encore, comme lors de ses voyages en Amérique du Sud, pourquoi les chevaux avaient disparu dans l'Amérique précolombienne, où toutes les circonstances se prêtaient à leur propagation. De même, dans une lettre à Sir Henry Ashworth, il déclare qu'il ne sait comment expliquer l'extinction du mammouth, animal très adapté. Mais, en général, c'est l'insuffisance du témoignage géologique qu'il invoquait pour expliquer l'apparente spontanéité de l'extinction et la soudaineté avec laquelle des espèces nouvelles surviennent sur la scène du globe. Si l'on s'en rapporte à la doctrine de la sélection naturelle, les variations fortuites ou les caractères nouveaux qui se produisent chez les animaux d'une espèce sont employés, s'ils sont favorables, dans la lutte pour la vie, et, comme ils sont transmissibles par hérédité, leur accumulation peut amener l'origine d'une espèce nouvelle. En raison de la nature fortuite de ces caractères nouveaux et aussi, par conséquent, de l'origine des espèces nouvelles, Darwin estima que non seulement tous les individus d'une même espèce sont venus d'une même région, mais aussi que les espèces apparentées, quoique peuplant maintenant les régions les plus lointaines, viennent d'une seule et même région, celle qui a donné naissance à leurs premiers ancêtres. Eux et croyance en la règle d'une seule région d'origine, me semble incomparablement la plus sûre. Pour la migration des plantes d'un continent à un autre et d'un continent à une île, Darwin voyait l'intestin des oiseaux comme moyen dans le transport des graines. Pour la migration des mollusques, il faisait remarquer la présence occasionnelle de petits coquillages sur les pattes d'oiseaux migrateurs. Cette hypothèse sur la dispersion n'explique pas la distribution géographique de gros animaux incapables de traverser la mer au vol ou à la nage, ou de traverser des zones climatiques ne convenant pas à leur espèce. Étant donné que ce genre d'animaux existe en des parties du globe très éloignées les unes des autres et séparées par des océans, Darwin en déduisit que presque toutes les migrations ont pu se produire au cours des grands changements géographiques et climatiques qui se sont succédés depuis les temps anciens. Cela implique nécessairement l'existence de communications par terre ou de ponts terrestres reliant d'une part, les îles et les continents et, d'autre part, tous les continents entre eux. Toutefois, à ces changements géographiques et climatiques, y compris à l'âge glaciaire, Darwin n'assignait qu'un rôle subordonné dans le développement des animaux, c'est seulement dans leur migration que leur influence était importante. Lorsque le continent est d'un seul tenant, comme pour les deux Amériques, et que les mêmes animaux vivent à de hautes latitudes, tant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, mais qu'ils sont absents des latitudes tempérées et tropicales, Darwin admettait que les périodes glaciaires des deux hémisphères n'avaient pas été simultanées, mais consécutives, lorsque l'une d'elles sévissait au nord, les animaux émigraient lentement vers le sud. C'est-à-dire vers l'équateur, lorsqu'elle avait pris fin et que le climat se réchauffait, certains animaux revenaient vers le nord, tandis que d'autres restaient dans la région et s'établissaient sur les montagnes au climat plus frais. Quand survenait la période glaciaire suivante, arrivant cette fois du sud, les animaux descendaient des montagnes, et, quand elle prenait fin elle aussi, certains d'entre eux allaient au sud, et d'autres retournaient sur les montagnes. De la sorte, on rencontre des animaux identiques dans les régions fraîches de chaque hémisphère. Cette conception de période glaciaire consécutive dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud n'a plus guère de partisans actuellement. La doctrine de l'évolution par la sélection naturelle ne pouvait se passer de la théorie des âges glaciaires. Sans celle-ci, elle était impuissante à expliquer la provenance des mêmes espèces dans les deux hémisphères, que séparait une zone torride, cette théorie lui était plus indispensable encore pour expliquer le phénomène de la dérive. L'action des icebergs pouvait, avec quelque complaisance, faire admettre le déplacement des blocs erratiques, mais les icebergs ne pouvaient avoir apporté les dépôts d'argile, de roquets et de sable qui remplissent souvent des vallées profondes. Enfin, les icebergs, pour être produits en grand nombre, exigeaient l'existence de vastes glaciers dont ils se seraient détachés. L'évolution darwinienne avait trop besoin de la théorie de l'âge glaciaire, afin d'évincer la théorie des rats de marée, qui appartenait au courant du catastrophisme. Darwin acceptait les idées d'Agassiz, non cependant dans leur forme originelle, avec une catastrophe au début des périodes glaciaires. Mais Agassiz rejetait la doctrine de Darwin, et pour cela il prenait appui sur un domaine où il faisait autorité, celui des poissons fossiles. Il est fréquent que les poissons des espèces disparues aient été mieux développés et plus évolués que des espèces plus récentes, espèces modernes comprises. Néanmoins, ces difficultés sur la route de la théorie évolutionniste passèrent inaperçues dans le feu du combat mené par ses adversaires, qui restaient attachés à l'idée d'un univers âgé de 6000 ans, et à l'immutabilité des espèces. Comparé aux enseignements de l'Église, la doctrine darwinienne représentait le progrès. Les premiers affirmaient un monde exempt de changements physiques depuis la création. La seconde apportait le principe d'un changement lent, mais continu, dans une direction et d'une époque à la suivante. Devant le dogme religieux de l'immutabilité, la doctrine de l'antévolution par la sélection naturelle, ou par la persistance du plus apte était un progrès, mais pas encore la vérité définitive. L'histoire des expériences de Darwin a été rapportée par Thomas Huxley, son adepte et son contemporain. Il était méprisé, tenu pour un personnage instable, cherchant à faire valoir son déplorable tissu de spéculation hasardeuse, et dont la façon de traiter la nature est absolument déshonorante pour la science. Tels sont les termes, reproduits par Huxley, d'un article de l'évêque Wilberforce dans la Quarterly Review de juillet 1860. Huxley a également écrit en 1887, dans l'ensemble, les partisans des opinions de M. Darwin en 1860 étaient, numériquement parlant, des plus insignifiants. Il n'y a donc pas le moindre doute que, si un conclave académique avait été tenu à cette époque, nous aurions été condamnés à une écrasante majorité, et il est peu douteux que, si un tel congrès se réunissait actuellement, le verdict en serait exactement le contraire. L'origine des espèces, continue Huxley, fut mal accueillie par la génération à qui elle s'adressait alors, et il est affligeant de se rappeler le concert de sottises irritées qu'elle souleva. Mais la génération présente aurait probablement une attitude tout aussi déplorable, si un nouveau Darwin se dressait pour lui infliger, ce que l'humanité en général déteste le plus, la nécessité de réviser ses convictions. Qu'elle se montre donc charitable envers nous autres les anciens. Et, si elle ne se comporte pas mieux que les hommes de mon époque à effet garde un nouveau bienfaiteur, qu'elle se souvienne qu'après tout notre colère n'eut pas une bien grande importance, et qu'elle se manifesta surtout, dans les expressions désobligeantes d'homélie dévote. Qu'il se décide pour une prompte volte-face, et qu'il suive la vérité jusqu'au bout. Les adversaires d'une vérité nouvelle découvriront, comme le font ceux de Darwin, qu'après tout les théories ne changent pas les faits, et que les textes s'écroulent, sans que l'univers en soit affecté. 517. Mécanisme de l'évolution. La sélection naturelle, ou mécanisme de l'évolution selon Darwin, est à la fois destructive et constructive. Dans la lutte pour l'existence, elle élimine tous les inaptes parmi les individus d'une espèce, et elle détruit les espèces qui ne peuvent pas rivaliser avec les autres pour obtenir les ressources nécessaires à la vie. Les vainqueurs de cette lutte sont ceux qui, parce qu'ils possèdent soit certains caractères, soit des variations favorables, ont un avantage sur leurs concurrents. Dans ces conditions, les variations favorables tendaient à se conserver, les variations défavorables à disparaître. Le résultat en était la formation d'espèces nouvelles, Darwin. Comme on l'a vu dans les pages précédentes, l'annihilation de nombreux individus et d'espèces animales entières s'est produite, non seulement dans le cadre de la concurrence vitale, mais aussi dans des conditions catastrophiques. Des espèces entières, exemptes du moindre signe de dégénérescence, ont subitement été anéanties dans des paroxysmes de la nature. D'autre part, la famine ou les ennemis causent parfois l'extermination d'une espèce, le moa, oiseau aptère géant de Nouvelle-Zélande, qui mesurait environ 4 mètres de haut, a été détruit il y a plusieurs siècles. En 1953, les grues blanches nord-américaines n'étaient plus que 21. La sélection naturelle ne suffit pas à expliquer l'extermination totale et simultanée de nombreux genres et espèces, elle peut occasionnellement être l'agent qui extermine une espèce distincte. Mais peut-elle créer des espèces nouvelles? L'histoire géologique nous montre que des animaux qui ont jadis vécu n'existent plus actuellement et aussi que, parmi les formes qui vivent actuellement, beaucoup n'existaient pas jadis. Comment donc ces formes sont-elles nées? Les règnes animal et végétal se subdivisent en embranchements et ceux-ci en classes, ordre, famille, genre et enfin espèce. Une espèce peut être caractérisée comme suit, l'accouplement de deux individus d'espèces différentes ne donne généralement pas de progéniture, quand elle en donne, le produit est stérile, par exemple la mule, produit de l'année de la jument. Toute la race humaine ne constitue qu'une seule espèce, de même pour toutes les races de chiens, si différentes pourtant dans leur structure. Les espèces se comptent par centaines de mille, dans le règne animal comme dans le règne végétal. Dans la théorie évolutionniste, toutes les formes de vie se développent, évoluant à partir d'êtres unicellulaires les plus primitifs. Des variations fortuites se produisent chez les membres de toutes les espèces, puisque deux individus ne sont jamais complètement identiques, elles sont héréditaires. Comme nous l'avons déjà dit, les variations favorables, celles qui aident dans la lutte pour l'existence, peuvent, selon Darwin, s'additionner au point qu'il peut en être une espèce nouvelle, dont les membres ne pourront pas avoir, avec les membres de la première espèce, de progéniture féconde. Aucune naissance d'espèce nouvelle n'a été constatée depuis les premières observations scientifiques. L'année qui suivit la publication de L'origine des espèces, Thomas Huxley écrivit : Il n'existe actuellement aucun fait prouvant qu'un groupe d'animaux quelconque ait, par variation et élevage sélectif, donné naissance à un autre groupe incapable de procréer avec le premier, 18. Quelques années plus tard, Darwin écrivit à Bentham : La croyance en la sélection naturelle doit maintenant se fonder entièrement sur des considérations générales. Quand nous en venons aux détails, nous ne pouvons pas prouver qu'une seule espèce ait changé, ni que les changements supposés soient favorables, ce qui constitue la base même de la doctrine. Et, à la fin du siècle, Huxley se vit contraint de déclarer : Je continue à penser que, tant qu'on n'aura pas prouvé que l'élevage sélectif produit des variétés stériles entre elles, le fondement logique de la doctrine de sélection naturelle sera incomplet. Nous demeurons dans une grande obscurité quant aux causes de variation. Dans l'élevage sélectif, l'éleveur crée des conditions qui n'existent pas dans la vie sauvage. Des races nouvelles, ou des variétés nouvelles d'animaux créées par la sélection ou l'isolement, retournent à leur forme primitive naturelle, dès que les individus sont remis en liberté. Par exemple, lorsque s'accouplent des chiens de races différentes, ils produisent des bâtards qui ressemblent à leurs ancêtres communs. Malgré tous leurs efforts, les éleveurs n'ont pas réussi à fabriquer la véritable caractéristique de l'espèce. Comment alors une espèce nouvelle pourrait-elle se créer par des variations fortuites, et des croisements dans la vie sauvage? Comment auraient pu se créer des espèces si nombreuses qu'on les compte maintenant, avec les espèces disparues, en millions? Comment l'être humain, à l'organisme si compliqué, a-t-il pu évoluer depuis des ancêtres communs aux primates et surtout, depuis des ancêtres communs aux insectes ailés et aux vers qui rampent? Les évolutionnistes comptaient beaucoup sur le temps. Il faut encore compter avec ceci, que le caractère fortuit des variations, quand elle se manifeste pour la première fois chez un individu, rend le progrès envisagé particulièrement difficile à réaliser. Darwin avouait ignorer la cause de leur apparition, et l'on admettait généralement qu'il faut dans la grande majorité des cas, les considérer comme des défauts, car une variation fortuite, qui se produit dans un organisme complexe, est bien équilibrée à des chances de représenter un obstacle et non un avantage. À la suite de quels accidents rares des espèces de plus en plus perfectionnées auraient-elles pu naître? Là-dessus, plusieurs théories ont été émises, qui suppose l'existence, dans l'évolution, d'un principe directeur qui remplace le hasard et l'accident. L'une d'elles est l'évolution créatrice de Bergson. Elles sont souvent réunies sous le nom d'orthogénèse. Ses adeptes affirment l'existence d'un plan et d'un but. Mais, comme elle fait intervenir la providence, et comme l'un des premiers buts de l'évolutionnisme, consistait à rendre la nature indépendante, l'orthogénèse ou évolution créatrice, après quelques délibérations, fut généralement rejetée. Ses défenseurs pouvaient prétendre que de nombreux traits ou caractères avaient dû être complètement inutiles lors de leur apparition, mais qu'ils n'étaient pas si absurdes, puisqu'ils sont devenus avantageux après maintes générations. Sinon, pourquoi ces traits auraient-ils continué à se développer d'âge en âge, et à finalement constituer un avantage pour l'espèce? Pour quelle raison la poche des kangourous aurait-elle augmenté de taille pendant des générations successives jusqu'à ce qu'elle puisse servir d'abri aux petits? L'évidente difficulté qui s'opposait à l'explication du processus évolutionniste par les variations fortuites conduisit à une reprise du lamarckisme. En 1809, année de la naissance de Darwin, Lamarck publiait sa philosophie zoologique, dans laquelle il avançait une théorie de l'évolution fondée sur l'apparition de facultés, et de traits nouveaux répondant à l'usage, l'usage répondant aux besoins et le besoin aux changements survenus dans le milieu physique environnant. Ces nouveaux traits acquis étaient héréditaires, selon Lamarck. Il enseignait, lui aussi, le principe de l'uniformité, et se trouvait ainsi en opposition avec son contemporain Cuvier, adepte du catastrophisme. Darwin, par générosité pour Alfred R. Wallace, dont il disait qu'il était un libre découvreur de la sélection naturelle, ne voulut jamais reconnaître ce qu'il devait à Lamarck, et ce malgré les pressions de Lyell et d'Huxley. Dans une lettre adressée à Lyell, il déclare que le livre de Lamarck est absurde, un fatras, un misérable livret, 22. Il n'en proposa pas moins la théorie de la pangenèse, selon laquelle toute cellule animale ou végétale transmet aux cellules du germe une gémule, qui est une image invisible de la cellule mère. C'est de cette façon que Darwin pensait interpréter l'hérédité, il alla même dans cette voie plus loin que Lamarck, en tenant les cellules du corps pour les porteurs de l'hérédité, ce qui équivaut à accepter la transmission héréditaire des caractères acquis. Personne n'admet plus la pangenèse. Dans le débat qui continua entre les adeptes des différentes écoles évolutionnistes, les néo-darwiniens, avec Auguste Weismann à leur tête, s'attaquèrent aux néo-lamarckiens. Weismann, coupant la queue de souris de générations successives, put démontrer que les caractères acquis ne sont pas héréditaires. En fait, il ne le prouva pas, car la perte de la queue par amputation n'est ni une habitude ni un trait acquis par l'usage ou le besoin. Weismann infirma réellement la théorie pangenésiste de Darwin, mais il eut le mérite de montrer que les porteurs des caractères héréditaires sont dans le plasma du germe, c'est-à-dire dans les spermatozoïdes et les ovules. Le corps est créé pour chaque génération successive par le plasma du germe, et seuls les changements dans le plasma sont héréditaires. Les variations fortuites de Darwin sont précisément ces changements du plasma et, par conséquent, sont héréditaires. La réaction du corps aux agents extérieurs ne créerait pas de caractère susceptible d'être hérité, par conséquent, sont sans valeur dans le processus de l'évolution. Celle-ci est unanimement acceptée en tant que fait, mais, sur son mécanisme, le désaccord est fondamental. Aujourd'hui, la majorité des évolutionnistes n'adhèrent plus à l'idée que les caractères acquis sont héréditaires. Cependant, les thèses de Lamarck ont fait des adeptes à l'est, avec Michourine qui a fait des expériences sur les plantes, et avec Pavlov qui a étudié les animaux, ainsi que plus récemment dans l'école de pensée qui domine en Russie. Les néo-darwiniens pensent le milieu physique environnant est juste capable d'apporter des changements dans un organisme, changements non transmissibles, et qu'il ne peut pas donner naissance à des espèces nouvelles. La sélection naturelle, ou la concurrence avec d'autres animaux, peut-elle alors créer des espèces nouvelles? L'exemple classique de la girafe au cou très long, qui survit quand il n'existe plus que des feuilles à une certaine hauteur sur les arbres, ne prouve pas que les girafes munies d'un cou particulièrement long finiraient par devenir une espèce particulière. Quoi qu'il en soit, aucune race ne pourrait évoluer dans ces conditions. En effet, les girafes femelles, qui sont de plus petite taille, s'éteindraient avant leurs concurrents mâles, et il n'y aurait pas de progéniture. En supposant encore qu'il y eût progéniture, les girafons mourraient probablement, puisqu'ils seraient trop petits pour atteindre les feuilles. La position darwinienne serait beaucoup plus forte, si une nouvelle espèce animale faisait son apparition, ne serait-ce que dans des conditions d'élevage dirigées. Darwin assurait que le processus d'apparition d'une espèce nouvelle est très lent, mais il assurait également que le processus d'extinction d'une espèce est plus lent encore 323. Néanmoins, certaines espèces animales se sont éteintes sous les yeux des naturalistes, alors qu'aucune ne s'est créée. La doctrine de la sélection naturelle, y compris l'évolution d'une espèce à partir d'une autre, manquait donc de preuves. Des scientifiques allèrent jusqu'à prétendre que tout le plan du développement avait peut-être atteint un stade définitif, que le passé géologique indique seulement le chemin qui y mène, et que l'évolution s'est arrêtée. Une partie de la doctrine darwinienne de la sélection a été unanimement condamnée, c'est l'idée que la sélection sexuelle constitue un facteur dans l'évolution. Dans la sélection naturelle, la concurrence s'exerce envers les moyens d'existence. Dans la sélection sexuelle, théorie développée en 1871, dans la descendance de l'homme, la concurrence se déroule entre les mâles, et a pour objet la possession de la femelle. Darwin pensait expliquer l'origine de différents caractères sexuels secondaires, tels que la parure et la couleur des plumes chez l'oiseau, en prétendant qu'ils étaient le résultat d'une sélection graduelle, au fil de nombreuses générations, de traits susceptibles de séduire les yeux de la femelle. Cependant, on a démontré que, lorsqu'on enlève à un papillon mâle, ses ailes bariolées et qu'on fixe à leur place des ailes de femelle souvent dépourvues des couleurs caractéristiques, la femelle ne s'oppose nullement aux avances de ce mâle. Elle ne réagit pas davantage contre des papillons mâles dépourvus d'ailes. On a encore observé que certains poissons mâles portant toute la coloration caractéristique de la saison du frais, fécondaient les œufs sans que la femelle fût présente ou consciente de cet acte. En somme, la théorie de la sélection sexuelle eut le même destin que celle des gémules, mais les partisans de la sélection naturelle se refusèrent à céder du terrain, tant qu'on n'éclairerait pas mieux le mécanisme de l'évolution. Mutations et espèces nouvelles. Une première lueur apparut vers la fin du siècle, quand Hugo de Vries, botaniste hollandais, observa des mutations spontanées chez l'Onotherbe bisannuelle 524. La plante, sans cause apparente, montrait des caractères nouveaux, qui n'avaient pas été constatés chez ses ancêtres. Bien que de Vries ait prétendu que ces mutations équivalaient à ce qu'on pourrait appeler de petites espèces, elles n'ont pas suffi à faire franchir à la plante la frontière de son espèce. Toutefois, il a été démontré que les variations à l'intérieur d'une espèce apparaissent spontanément et plutôt soudainement, et non, comme le croyait Darwin, par Darwin, Leifenbt, 2, page 27. NDT, plantes poussant facilement dans nos jardins, dont les fleurs jaunes s'ouvrent à la tombée de la nuit, et que les jardiniers ont baptisé belle de nuit. souche réservée à une sélection d'individus végétaux dans un but donné d'infime progression de génération en génération. Huxley, à juste titre, conseillait à Darwin de ne pas rester si dogmatiquement convaincu que la nature ne fait pas de bon, Natura non jacis altu 25. De Vries établit donc que les variations procèdent par bon, et c'est ainsi qu'il formula la théorie évolutionniste des mutations. Tout en y consacrant ses travaux, De Vries ignorait encore ce que Gregor Mendel faisait en génétique et qui avait été publié sous forme d'article en 1865, 6 ans seulement après l'Origine des espèces. L'œuvre de Mendel, inconnue de Darwin et de ses disciples au XIXe siècle, fut redécouverte par De Vries, de leur côté, par Utcherma et Kakoran en 1900, année où De Vries rédigea sa théorie des mutations. En étudiant soigneusement les croisements entre diverses variétés du petit pois rame, et en comptant les clones des générations successives, ainsi que la transmission des caractères isolés, Mendel établit la loi fondamentale de la génétique, ou transmission des caractères somatiques. Tous les travaux relatifs à l'évolution depuis le début du XXe siècle sont fondés sur la génétique et sur les lois de Mendel. Ce qui est assez piquant, c'est que Mendel était un religieux de l'ordre de Saint-Augustin, et qu'il avait fait sa découverte à une époque où culminait la controverse entre l'Église et la science à la suite de la publication du principal ouvrage de Darwin. Les mutations spontanées peuvent être considérées comme héréditaires chez les descendants de générations successives. Les gènes contenus dans le plasma du germe déterminent les caractéristiques de la race et leurs variations, mutations, entraîneraient des mutations chez les individus d'une même lignée. Mais en général, il n'apparaît qu'une mutation à la fois, elle peut conduire à la production de races nouvelles, mais non d'espèces nouvelles. Les mutations spontanées sont trop rares, et trop faibles pour amener l'apparition d'espèces nouvelles, et pour expliquer celles du monde animal. En dépit de ces variations spontanées, aucune espèce nouvelle de mammifère. NDT, acteur principal de la farce de Joe Rugle, 1615, jouant le rôle d'un homme de loi évitant, en feignant l'ignorance, de statuer sur des affaires qui lui étaient soumises, n'a vu le jour depuis la fin de la période glaciaire. En 1907, V.L. Kellogg, de l'université de Stanford, conclut, la juste vérité, c'est que les théories darwiniennes de la sélection, considérées à la lumière de leur prétendue capacité de suffire à donner une explication mécanique de la descendance, sont aujourd'hui discréditées dans le monde de la biologie. D'autre part, il est vrai et juste aussi de dire que les adversaires de la sélection n'ont avancé, sur la formation des espèces, aucune hypothèse ou théorie de remplacement, qui ait été acceptée par les naturalistes, soit en totalité, soit en grande partie. Les mutations semblent trop rares. Pour l'orthogénèse, nous ne pouvons découvrir aucun mécanisme qui donne satisfaction, et il en est de même pour les théories lamarckiennes de la modification, obtenues par effet accumulation de traits acquis, ou Kellogg faisait également remarquer qu'un groupe de scientifiques refuse en totalité à la sélection naturelle toute aptitude ou capacité de former des espèces, alors qu'un autre groupe, plus important, voit dans la sélection naturelle un facteur d'évolution incapable de mettre en route quoi que ce soit est dépendant pour son efficacité de quelconque facteur primaire dirigeant origine, et le sens de la variation, mais capable d'éliminer toutes les lignes de développement inadaptées et inaptes. Pour ma part, conclut-il, j'estime plus sage de retourner à l'ancien, et sur point de vue d'ignoramu. Ainsi, tout le problème revenait là où il en était avant l'origine des espèces. L'évolution est le principe. Darwin ajouta à ce principe, la sélection naturelle en tant que mécanisme de l'évolution. Si la sélection naturelle, réduite au même destin que la sélection sexuelle, n'est pas le mécanisme de l'origine des espèces, alors la contribution de Darwin se ramène à bien peu de choses, la sélection naturelle ne ferait qu'éliminer les inaptes. Fairfield Osborne, évolutionniste américain distingué, écrit, contrastant avec l'unité d'opinion sur la loi d'évolution, il existe une grande diversité d'opinions sur ses causes, en somme, les causes de l'évolution de la vie sont aussi mystérieuses que la loi de cette évolution est certaine, 29. Plus loin, on peut dire que la loi darwinienne de sélection considérée comme expliquant d'un point de vue naturel l'origine de toute adaptation convenable de forme et de fonction a maintenant également perdu son prestige, et aussi que toute la partie de la doctrine darwinienne universellement admise de nos jours est la loi de la persistance du plus apte, ce qui est une application limitée de la grande idée de Darwin telle qu'elle a été exprimée par Herbert Spencer. Ce n'étaient pas des isolés qui professaient ces opinions, mais la majorité des évolutionnistes. L'un d'entre eux, l'éminent savant anglais William Bateson, s'exprimait ainsi dans son discours devant l'Association américaine pour l'avancement des sciences en 1921, lorsque nos confrères des autres disciplines nous demandent quelle est la croyance générale en ce qui concerne l'origine des espèces, nous n'avons pas de réponse claire à leur donner. La foi a fait place à l'agnosticisme. Nous assistons quotidiennement à des variations très diverses, mais nous ne constatons aucune origine des espèces. Je viens de vous exposer très franchement les considérations qui nous ont rendus agnostiques quant au modèle au processus réel de l'évolution. Mort, dans une série de conférences données à Princeton sur l'invitation de cette université, demandait si la sélection naturelle est une force qui peut détruire, mais non créer des espèces, et si nous ignorons les raisons de cette aptitude destructive, quelle est la valeur pour l'humanité de la doctrine ? H. Écroulement de la théorie de la sélection naturelle laisse en fâcheuse posture la philosophie du matérialisme mécaniste. Sur la théorie de l'évolution par mutation, émise par De Vries, Moore déclarait, elle est mortelle pour la théorie scientifique, car elle élimine toute l'idée de continuité, qui devrait être à la base d'une doctrine évolutionniste. Il vient immédiatement à l'esprit que chacune des étonnantes interruptions, qu'on relève dans le passé paléontologique, telles que celle qui sépare les reptiles des oiseaux à plumes, peut être survenue d'un seul bond au cours d'un paroxysme de la nature. De Vries avait fait des observations sur les mutations spontanées des plantes. 10 ans plus tard, Morgan en constata chez la mouche du vinaigre, notamment plusieurs colorations des yeux et plusieurs longueurs d'ailes, ainsi que de nombreux autres changements, qui se manifestaient chez les descendants, quoique absents chez les ascendants. Mullet, soumettant la mouche du vinaigre à l'action des rayons X, augmenta 150 fois la fréquence des mutations. On observa également que certains produits chimiques, et certaines températures proches de la limite supportable par l'organisme des insectes, sont capables de provoquer des mutations. Mullet en conclut que les mutations spontanées sont généralement dues à une collision accidentelle individuelle moléculaire ou submoléculaire, se produisant au cours d'une agitation thermique et que cela est indiqué par le taux d'augmentation de la fréquence des mutations observées quand la température s'élève, tant que ne sont pas dépassées les températures que peut supporter l'organisme. Étant donné que les changements chimiques du même ordre que ceux de phagitation thermique, mais plus prononcés, peuvent également être produits par les rayons X, par d'autres radiations de forte énergie et par les ultraviolets, il n'est pas surprenant que des mutations, comme celles qu'on appelle spontanées, puissent être abondamment produites par ces moyens, ni que leur nombre soit en général proportionnel au nombre des collisions physiques causées par la radiation. 35. Les mutations chez l'onotère bisannuel observées par De Vries peuvent, comme pour toutes les autres mutations spontanées, être attribuées à l'un de ces excitants qui agissent directement sur les gènes. Elles sont peut-être dues à des irradiations, mais il reste à montrer pourquoi l'onotère bisannuel est plus sensible que la plupart des autres plantes. L'absence presque totale de rayons X dans le milieu naturel fait que cet agent, efficace pour obtenir des mutations en laboratoire, est considéré comme inactif en matière de mutations spontanées et aussi, par conséquent, dans le processus de l'évolution. Mullet a souligné le fait. Toutefois, dans la radiation par radium, se trouve un composant des rayons X. On a constaté au début de ce siècle que des têtards, mis en présence d'un tube contenant du radium, donnent naissance à des monstres divers. La radioactivité et la radiation cosmique sont des agents présents dans la nature, la première est d'origine terrestre, la seconde d'origine extraterrestre. Si, comme l'ont établi les expériences faites sur la mouche du vinaigre, la mutation d'un certain gène peut produire une mouche sans aile, un grand nombre de mutations simultanées, ou se succédant rapidement serait tout à fait capable de transformer un animal ou une plante en un individu d'une espèce nouvelle. On a vu pousser, à l'ombre, dans les cratères laissés par les bombes, des plantes nouvelles, qu'on ne connaissait pas dans les îles britanniques ni sans doute ailleurs. Des plantes rares, inconnues de la botanique britannique moderne, ont été découvertes dans les cratères de bombes et les ruines de Londres en 1943. Il semble que l'action thermique de ces explosions ait causé de multiples métamorphoses dans les gènes des graines et des pollens. S'il en est ainsi, il convient de revoir l'idée exprimée plus haut selon laquelle la naissance d'une espèce nouvelle n'a jamais été constatée. Il faut la réviser de toute façon, en ce qui concerne le règne végétal, mais non le règne animal. En effet, selon une école de botanistes spécialisée en génétique, certaines plantes peuvent parfois produire une progéniture anormale, munie d'une quantité double de chromosomes, et, bien que les hybrides végétaux, comme les hybrides animaux, n'ont généralement pas de puissance procréatrice. Des hybrides issus de parents à chromosomes doublés peuvent occasionnellement produire une véritable nouvelle espèce, laquelle peut se reproduire indéfiniment, mais pas par croisement avec l'espèce d'origine, ou, si elle y parvient, la progéniture du croisement est stérile. C'est un alcaloïde, la colchicine provenant des racines du colchique, qui lorsqu'il est fourni à des cellules en processus de division, favorise la production de cellules possédant un nombre de chromosomes double de la normale. On a obtenu ainsi un croisement fertile entre le radis et le chou, et les partisans de l'évolution cataclysmique assurent que l'apparition fortuite de plantes à chromosomes double est à l'origine du blé, de l'avoine, de la canne à sucre, du coton et du tabac, et aussi qu'elle permettra d'obtenir en laboratoire la production d'une graine combinant les qualités du blé et du seigle. Mais l'agent rendant une plante capable d'engendrer spontanément une progéniture à chromosomes double n'est pas encore suffisamment connu. Très probablement, un agent thermique, chimique ou radioactif aura, là encore, à jouer un rôle. L'évolution cataclysmique lorsque la Terre, couverte encore de boue par le déluge récent, se trouva réchauffée par les rayons généreux du soleil, elle fit renaître la vie sous d'innombrables aspects, certains montraient des formes anciennes, d'autres étaient des créatures nouvelles et étranges. Ovide métamorphose divers théoriciens, voulant expliquer les grandes oscillations qui ont affecté le climat du passé, postulèrent une expansion considérable de la radioactivité lors de ces époques lointaines. Dutoit, auteur de la version moderne de la doctrine sur la dérive des continents, estime aussi que l'effet thermique de cette radioactivité fut déterminant. Il me semble que, si cette radioactivité s'est réellement produite, son effet de mutation n'aurait pas manqué de se manifester. Les rayons ou les charges cosmiques, en bombardant les atomes d'azote dans l'atmosphère, transforment cet élément en radiocarbone. Chaque charge arrivant du dehors possède en moyenne plusieurs milliards d'électronvolts, et parfois plus de 100 milliards d'électronvolts. Comme c'est avec une rareté relative que ces rayons ou charges frappent notre atmosphère, leur effet général n'est pas spectaculaire. On concevra cependant que, lorsqu'un rayon ou une charge frappe un gène du plasma du germe, il produit une mutation biologique comparable à la transmutation physique des éléments, car les gènes ne sont, comme toutes les protéines, que des composés biochimiques ou entre du carbone, de l'azote et quelques autres éléments. Si un chromosome somatique reçoit le choc d'une charge puissante, celle-ci risque tout au plus de désorganiser sa croissance, et d'être à l'origine d'un néoplasme, mais, si les gènes du plasma du germe, sont la cible d'un choc par rayon cosmique ou radiation secondaire, il peut survenir une mutation chez la progéniture, et, si ces chocs se multiplient, on peut envisager l'origine d'une espèce nouvelle. Très probablement incapable de vie individuelle ou génétique, mais capable dans certains cas. Ainsi, une augmentation de radioactivité venant, soit de l'extérieur de notre planète, soit de son noyau interne, pourrait spontanément amener de nouvelles espèces. Si une décharge interplanétaire survenait entre la Terre et un autre corps céleste, comme une planète, un planétoïde, un train de météorites ou un nuage chargé de gaz, avec peut-être une différence de potentiel de milliards de volts, et une fission nucléaire ou une fusion, l'effet serait semblable à celui de l'explosion de nombreuses bombes H, avec ce qu'elle entraînerait en production de monstruosités et d'anomalies multiples. Ce qui importe, c'est qu'il existe dans la nature, un principe capable d'être à la base de l'origine des espèces. Malheureusement, Darwin vit dans le catastrophisme, l'adversaire principal de sa doctrine, car il était convaincu que l'évolution d'espèces nouvelles résulte d'une compétition, où intervient la notation de caractéristiques particulières, ainsi qu'un laps de temps quasiment illimité, pour que ces caractéristiques puissent servir d'armes. Or, c'est exactement le contraire qui est vrai, la concurrence ne mène pas à de nouvelles espèces. Les mutations entre isolées, et les variétés nouvelles qui en résultent à l'intérieur d'une espèce, sont amenées par le choc d'une radiation contre un gène. Ce fut le rôle joué par les rayons X dans les expériences sur la mouche du vinaigre, c'est un choc ou une collision, c'est-à-dire une catastrophe en miniature. Pour produire la mutation simultanée de nombreux caractères, qui donne une espèce nouvelle, une grêle de radiation d'origine terrestre, ou extraterrestre est nécessaire. Nous sommes donc amenés à penser que l'évolution est un processus qui commence par une catastrophe. Il a fallu que de nombreuses catastrophes, ou assauts de radiation, aient eu lieu dans le passé géologique pour avoir changé si radicalement les formes de la vie sur la Terre, ainsi qu'en témoignent les restes fossiles enfouis dans la lave et dans les sédiments. Comment ce concept de l'évolution peut-il se concilier avec les faits, en particulier avec ceux qui ont toujours paru contraires à la théorie de la sélection naturelle? Le fait que certains organismes, comme les foraminifères 538, aient traversé tous les âges géologiques sans prendre part à l'évolution, cas embarrassant dans la théorie de la sélection naturelle, s'expliquerait par une évolution catastrophique au cours de laquelle de nombreuses espèces auraient été détruites, alors que d'autres auraient subi des mutations multiples. Quelques spécimens auraient échappé aux mutations, et se seraient reproduits sous leur forme originelle. NDT, ils appartiennent à la sous-classe des protozoaires marins, une des premières formes de vie composée d'une seule cellule, et dépourvue de chlorophylle qui existait déjà il y a un milliard d'années. Les foraminifères sont pourvus de coques externes, coquilles calcaires. Voir la section Le fond de l'Atlantique, chassette. Le fait que le témoignage géologique révèle l'apparition soudaine de nombreuses formes nouvelles au début de chaque époque ne colle pas avec l'explication artificielle selon laquelle ce témoignage est toujours douteux. Il reflète avec exactitude les changements survenus dans les règnes animal et végétal d'une époque à l'autre. Bien des espèces nouvelles, qui sont nées à la suite d'une catastrophe affectant la Terre entière, et qui ont inauguré une nouvelle époque, ont à la fin même de cette époque, été ensevelies dans un autre paroxysme de la nature. Le fait est qu'il arrive souvent que les chaînons intermédiaires entre les espèces actuelles fassent défaut, de même pour les espèces disparues. Ce problème contrariant s'éclaire à la lumière des soudaines et multiples variations donnant naissance à de nouvelles espèces. On avait présenté l'objection suivante, si un nouveau caractère n'apparaissait que chez un seul animal, comme le veut la théorie de la sélection naturelle, ou à la rigueur chez quelques animaux d'une même espèce, Les croisements le feraient disparaître au fil des générations, à moins que le nouvel animal ne soit protégé par l'isolement, comme sur une fille. D'un autre côté, dans l'évolution catastrophique, la mutation simultanée de nombreux gènes peut produire une espèce nouvelle dès la première fécondation et s'appliquer à tous les individus d'une même portée. Il n'est donc pas inconcevable que des radiations identiques produisent les mêmes changements dans les gènes chez plus d'un individu d'une seule espèce, et c'est ainsi que, dans les expériences de rayons X pratiquées sur la mouche du vinaigre, les mutations semblables se sont produites sur plus d'un insecte. Le fait que le développement d'une espèce nouvelle doit apparaître soudainement faute de quoi la race s'éteindrait, comme c'est le cas pour les poches des kangourous, est incompatible avec la théorie de la sélection naturelle, mais cadre avec l'évolution catastrophique. Cependant, la finalité des structures animales restera un problème étonnant, par exemple le comportement réfléchi des leucocytes du sang, qui s'élancent à l'attaque d'un envahisseur nuisible. Si, comme Agassiz l'a mis en lumière, de nombreuses espèces anciennes de poissons bénéficiaient d'un organisme plus développé que des espèces plus récentes, c'est parce qu'elles ont été détruites, non pas dans le processus de concurrence vitale, mais par des bouleversements contre lesquels un organisme supérieur est sans défense. Les évolutionnistes se sont fort étonnés que des espèces animales, en excellent état physique et ne présentant aucun signe de dégénérescence, comme les mammouths, se soient éteintes subitement. Ce fait n'est pas explicable par la sélection naturelle ou la concurrence vitale, mais l'est par l'intervention d'une catastrophe. À différentes étapes du passé, beaucoup d'animaux de plusieurs espèces, ainsi que beaucoup d'espèces entières, ont rapidement été exterminés. Le fait est en conflit avec l'idée d'extinction lente par voie de sélection naturelle, mais il est conforme à la théorie de l'évolution cataclysmique. On a observé que les animaux de grande taille avaient été particulièrement sujets à l'extinction, par exemple, les mammifères géants qui succombèrent à la fin du tertiaire, puis au cours du Pléistocène, tout comme précédemment les dinosaures. Cela s'explique si l'on veut bien se représenter qu'il est plus facile aux petits animaux qu'aux grands de trouver un refuge pour s'abriter en cas de cataclysme. La sélection naturelle a eu son rôle, elle aussi, mais pas en créant des espèces nouvelles. Elle a constitué un facteur décisif dans leur survie ou leur extinction, dans la lutte pour l'existence chez les individus, les races, les espèces et les ordres, et aussi contre les éléments. Elle a éliminé toutes les formes incapables de soutenir la concurrence, ou de faire face aux conditions rapidement changeantes d'un monde en cours de bouleversement. La transmutation d'espèces anciennes en espèces nouvelles pouvait être causée par les processus qu'on reproduit en laboratoire, radiation excessive, ou quelque autre excitant, thermique ou chimique, infligé en dose anormale. Ces processus, qui ont pris part aux catastrophes du passé, ont pu jouer un rôle dans la création d'espèces nouvelles, c'est du moins ce qu'indiquent les plantes jusqu'alors inconnues, qui ont poussé dans les cratères laissés par les bombes. Les événements catastrophiques du passé justifient la doctrine évolutionniste. Son adversaire déclaré s'est révélé être son unique allié, alors que son véritable ennemi fia la doctrine uniformiste, c'est-à-dire la négation de phénomènes extraordinaires dans ce passé, l'uniformisme, que Darwin considérait comme le bastion de la théorie évolutionniste, se dressa presque comme une barrière entre elle et la réalité. De grandes catastrophes du passé, accompagnées de décharges électriques et suivies de radioactivité, ont pu produire des mutations soudaines et multiples, analogues à celles obtenues aujourd'hui par les expérimentateurs, mais sur une immense échelle. Le passé de l'homme, des animaux et des plantes doit être considéré en fonction de l'explosion d'Hiroshima et non plus à travers les hublots du Beagle.